Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Coligolio premier. Non, c'est Tout faux, c'est ATFM. Et c'est sur 99.9. Parti. C'est le FM système qui devrait se passer avec McFly. C'est maintenant. Donc c'est mais non, tout fiasse. C'est Raté FM. T'entends pas la musique derrière? Faut danser sur Raté FM. Faire péter ça. C'est Raté FM. T'écoutes? Oh! Ah! Hey, les auditeurs de Raté FM, vous êtes là?